Verbe de déplacement à l'indicatif présent. Suivre. Je suis. Tu suis. Il suit. Elle suit. On suit. Nous suivons. Vous suivez. Ils suivent. Elles suivent. Sortir. Je sors. Tu sors. Il sort. Elle sort. On sort. Nous sortons. Vous sortez. Ils sortent. Elles sortent. Prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Descendre. Je descends, tu descends, il descend, elle descend, on descend, nous descendons, vous descendez, ils descendent, elles descendent.